La fortune des Rougon de Émile Zola. Préface. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10 à 20 individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre, comme acteur d'une époque historique. Je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts. J'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble. Les Rougon-Macquart, le groupe, la famille que je me propose d'étudier, a pour caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge qui se rue aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se déclare dans une race à la suite d'une première lésion organique et qui détermine, selon les milieux, chez chacun des individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, toutes les manifestations humaines, naturelles et instinctives, dont les produits prennent les noms convenus de vertu et de vice. Historiquement, ils partent du peuple, ils s'irradient dans toute la société contemporaine. Il monte à toutes les situations par cette impulsion essentiellement moderne que reçoivent les basses classes en marche à travers le corps social. Et il raconte ainsi le Second Empire à l'aide de leur drame individuel, du guet-apens du coup d'État à la trahison de Sedan. Depuis 3 années, je rassemblais les documents de ce grand ouvrage et le présent volume était même écrit lorsque la chute des Bonaparte dont j'avais besoin comme artiste et que toujours je trouvais fatalement au bout du drame, sans oser l'espérer si prochaine, est venu me donner le dénouement terrible et nécessaire de mon œuvre. Celle-ci est, dès aujourd'hui, complète. Elle s'agite dans un cercle fini. Elle devient le tableau d'un règne mort, d'une étrange époque de folie et de honte. Cette œuvre, qui formera plusieurs épisodes, est donc, dans ma pensée, l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Et le premier épisode, La fortune des Rougon, doit s'appeler de son titre scientifique, Les origines. Émile Zola, Paris, le 1er juillet 1871.